J'écoute Double en ce moment, ça s'appelle Double. Assez les accords. Avec moi, c'est compliqué. Out. Je suis perdu là. Ok, j'ai compris. Ok, c'est le matin. Perdu. Quelque chose qui me vient, mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à capter.